là. De là. C'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui avons la vérité. La batterie bat le rythme, la batterie bat le rythme, la batterie bat le rythme.